Et si ils veulent du mal, t'inquiète, un bon Dieu tu connais. Et tiens-toi quand je te châle, sur la moto on pourrait décoller. Tout va bien, sinon la veille je me suis saoulé. Cœur froid sous la ciment, la capuche le cache-nez. Micelle a fait le chignon, elle me boude fait des siennes. J'fais billets couleur saumon, disque d'or dans la semaine. J'peux un voyou, j'ai pas de réseau. Moi j'fais que ta zik les gars. Toi j'investir dans des métaux, dans un CZ ou un Beretta. Vite ton sac, maintenant vite ton sac. Maintenant t'es mon sang, j'vais mettre des bonzes. Descends pas, ils me souhaitent tous l'enfer alors que je viens d'en bas. Pour ce qu'on vécu avec une mère, ce qu'on grandit sans papa. Et pour ce qui me font des manières, attendez, je pète un cap. Et si ils veulent du mal, t'inquiète, un bon Dieu tu connais. Et tiens-toi quand je te châle, sur la moto on pourrait décoller. Ils se moquent de moi, je veux plus les voir. J'ai plus de voix, je me suis éteint, je suis chez moi. Ça, ton poisson, ça belle comme une rose. Elle fait partie de la cause. On se prend la tête, mais j'l'ai ma mort. J'l'ai ma mort, ma beauté. Ils veulent grailler dans mon charbon. Faut faire de la nouveauté. Elle voudrait que j'reste à la maison. Elle me dit qu'au moins y'aura pas de trahison. Le pire, c'est que j'sais qu'elle a raison. Les gens, ils changent toutes les saisons. J'ai la tête à l'envers, dans ma bulle j'descends pas. Ils me souhaitent tous l'enfer alors que je viens d'en bas. Pour ce qu'on vécu avec une mère, ce qu'on grandit sans papa. Et pour ce qui me font des manières, attendez, j'pète un cap. Et si ils veulent du mal, t'inquiète, un bon Dieu tu connais. Et tiens-toi quand je te châle, sur la moto on pourrait décoller.